Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 7e année, Mathieu Plante Show. Dans tout ce qui bouge, une application qui bloque les téléphones des cyclistes. Dans Théologie de Télévision, l'utilisateur déprime lorsque la qualité du streaming est mauvaise. Dans Merci Science, IBM veut améliorer les prévisions météorologiques. Et dans Segment XNX, le premier magazine français dédié au hand spinner arrive depuis le temps que je l'attendais. Le Mathieu Plante Show commence tout de suite. We'll be right back. voici celui qui fait tourner des iPhones sur son nez, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue Mathieu Plante, je suis Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine du 26 juin 2017, comme toujours, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science et le segment Geek CNX. Dans une demi-heure environ, ça va être la chronique sur les jeux vidéo avec notre collaborateur Frédéric Simon. Salut Frédéric, ça va? Ça va très bien toi? Absolument, merveilleusement même je dirais. Tant mieux! Tant mieux. De quoi est-ce qu'on parle dans ta chronique tantôt? On va parler de la nouvelle sortie dans Diablo 3, un nouveau personnage qui est sorti le 27, donc hier. Mm-hmm. Et on va parler bien sûr de la SNES Mini qui va sortir cet automne. Hey, c'est excitant ça. Oh oui. La NES Mini m'excitait un petit peu moins. Donc la Super NES Mini, c'était vraiment c'est destiné à un public comme le mien. J'espère pouvoir en avoir une. J'espère mettre la main là-dessus. Ouais, c'est ça. Tout est bon dans les concours, hein. Ah, ben, j'ai des petits trucs. Ouais, on s'en reparlera tantôt. On s'en reparlera, c'est bon. Ouais. Même si tu veux pas le dire en onde, hein? ça va briser ta façon de faire. Bref, la Super NES Mini et Diablo 3 dans quelques minutes, une demi-heure environ. Avant ça, ça va être la chronique Tout ce qui bouge. Et on a commencé l'émission avec du chiptune. La première pièce qu'on a entendue était par Celio. C'était Cocoon. On continue avec Monotron. Voici FTW for the win. MPS, la Mathieu Plancho, j'aime ça, c'est musical. The win. C'était sur LSDJ, donc ça c'est un truc pour faire de la musique de jeux vidéo et de la vraie guitare par-dessus, c'est ce qui rendait ça vraiment le fun. À la pièce de Monotron s'appelait FTW. Maintenant, c'est le segment Tout ce qui bouge. Et on commence toujours Tout ce qui bouge avec des pieds. Ça commence en marchant. Nike qui se tourne vers la réalité augmentée pour vendre des chaussures. Si vous cherchez une paire de souliers, vous pouvez peut-être voir dans un magasin, aller sur Internet, peu importe. Nike veut vous amener une nouvelle option sous la forme d'une application baptisée Sneakers, S-N-K-R-S. Donc c'est le mot Sneakers sans les voyelles. Celle-ci utilise la réalité augmentée pour permettre aux clients de mettre la main sur des éditions limitées. Ce nouveau système de vente qui va débuter avec le lancement des chaussures Nike SB Dunk High Pro Momofuku. Comment? Les Nike SB Dunk High Pro Momofuku. Conçu en collaboration avec le chef David Chang, propriétaire de la chaîne de restaurants Momofuku. Selon Nike, il suffit de lancer l'application, de pointer la caméra du téléphone sur le menu du Fuki East Village de David Chang et vous pourrez alors déverrouiller les baskets, les chaussures dans l'application, ce qui vous donnera l'occasion d'acheter la paire en convoité. Si malheureusement vous n'habitez pas à proximité de restaurants Momofuku, il est possible de déverrouiller les chaussures en utilisant le menu proposé sur le site. C'est quand même le fun comme concept. Surtout fun comme nom. Ensuite, on va à Skate, un skateboard électrique à l'intelligence artificielle. On connaissait déjà l'apprentissage automatique, le machine learning, le développement des connaissances d'une machine permettant son évolution et son apprentissage sur le long terme. Utilisé sur une variété de robots, il permet à une intelligence artificielle de progresser sans intervention systématique de l'humain. Aujourd'hui, c'est un skateboard électrique qui est à l'honneur dans les nouvelles inventions permises par l'intelligence artificielle. Alors concrètement, qu'est-ce que ça offre? Ben, pour commencer, ça s'appelle Spectra. Voilà, Spectra. Comprenant un petit moteur électrique, elle se contrôle non pas par une télécommande externe, mais par le poids du corps et l'utilisation des jambes de l'utilisateur. Le skateboard, une fois qu'il a appris les mouvements, oui, il va les anticiper. Il n'accélère pas tant que vous n'êtes pas stable, et si vous perdez l'équilibre, il vous aide à le retrouver. Il aide également à tourner et à freiner. Enfin, il s'arrête de lui-même de l'instant où vos pieds quittent la planche, oui, ce qui évite des situations de plantage. La planche est légère, petite, à peine 50 cm de long, hyper maniable, et ses constructeurs espèrent qu'elle comptera parmi les moyens de transport de l'avenir. Pourquoi pas? Allez voir la petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Ensuite, on y va à vélo maintenant avec une application néerlandaise qui bloque les téléphones des cyclistes. Une entreprise de télécommunications des Pays-Bas vient de lancer une application qui bloque le téléphone des cyclistes lorsqu'ils sont sur la route dans le but de réduire les accidents. Le système, qui est jumelé avec un cadenas pour vélo, bloque toutes les connexions comme données Wi-Fi, téléphone, message, texte lorsque l'utilisateur déverrouille sa bicyclette. Le cycliste peut toutefois communiquer avec les services d'urgence seulement. Le téléphone redevient utilisable une fois que le cadenas est reverrouillé. L'application est actuellement en phase de test et devrait être commercialisée avant la fin de 2017. Les Pays-Bas comptent un pourcentage très élevé de cyclistes dans leur population, dont une bonne partie de jeunes. Cette tranche d'âge est particulièrement vulnérable aux accidents causés par la distraction, évidemment. Un jeune cycliste sur 5 en serait victime. En 2015, 12 morts et 441 blessés ont été dénombrés en lien avec des accidents causés par l'utilisation de téléphones intelligents à vélo, selon Veilig Verkeer Nederland, l'association de la sécurité routière du pays. Un article de l'agence France-Presse. Ensuite, on a fait planche à roulis-roulant, on a fait skateboard, mais maintenant on avance avec des pommes de terre autonomes. Oui, des pommes de terre autonomes. Pendant que vous dégustez vos frites, cet homme a transformé une pomme de terre en véhicule autonome. Donc pour beaucoup, la pomme de terre est un ingrédient qui permet de faire des repas. Pour les plus jeunes et les fans de Pixar, c'est peut-être un jouet qui accompagne Woody et Buzz l'éclair. Pour Matt Damon, c'est son seul moyen de survivre sur Mars. Hein? Et pour les joueurs de Portal 2, la pomme de terre est la seule façon de sauver GLaDOS lorsque Wheatley devient fou. Nous dit lejournaldugeek.com et qui porte bien son nom en ce moment. Car en plus d'être un aliment, la pomme de terre est également une batterie naturelle. Nombreux sont les écoles qui proposent des ateliers où les enfants apprennent à allumer une ampoule à l'aide d'une simple pomme de terre, mais pour Marek Baczynski, cette petite expérience n'est pas suffisante. Cet ingénieur a décidé de créer la première pomme de terre autonome du monde. Voici donc Pontus, une pomme de terre capable de rouler dans la direction de son choix sur des distances de 7 cm. Il lui arrive même par moments de suivre le brave Marek. L'important par contre, qui ne mentionne pas l'article, c'est est-ce que c'est disponible chez Moumou Fuku. Je pense. Comme une pomme de terre. Je pense que je vais rire à chaque fois que tu vas dire merci, ça. Merci. Comme une pomme de terre ne produit pas assez d'électricité, l'ingénieur a ajouté un condensateur pour accumuler suffisamment d'énergie pour faire fonctionner les deux moteurs électriques. Si Pontus est une pionnière en matière de pommes de terre autonomes, elle n'a pas connu une fin heureuse. Au bout de quelques jours, Marek Baczynski a constaté que Pontus avait développé un comportement suicidaire. Le tubercule était effectivement très intéressé par le four de la cuisine. L'ingénieur a donc décidé de le faire cuire pour respecter son souhait. Ensuite, on va en voiture autonome. Des voitures qui ne voient pas les kangourous. L'arrivée des voitures autonomes sur les routes du monde entier ne devrait plus tarder. On parle de 2022, selon les experts. Elles pourraient déjà rouler et nous amener à destination sans que nous ayons à toucher le volant ou l'accélérateur. Les constructeurs doivent toutefois faire face à un problème de taille, les animaux sauvages. Responsables de nombreux accidents, ils s'avèrent être un véritable problème pour les intelligences artificielles. Volvo, qui participe également à la course pour la voiture autonome, a découvert que l'animal en particulier pose un problème majeur, c'est le kangourou. Si le constructeur Volvo s'intéresse au kangourou, c'est pour améliorer son logiciel de détection automatique d'animaux, un logiciel développé par le groupe et qui est déjà disponible sur les derniers modèles de la marque. En particulier, le système Large Animal Detection est embarqué sur les modèles S90 et XC90 sortis en 2017. Les kangourous semblent toutefois faire de la résistance. Depuis novembre 2016, Volvo essaie de trouver une solution à un problème. Donc, l'intelligence artificielle couplée au capteur du système de détection semble incapable de détecter les kangourous. Du moins, elle les détecte, mais elle n'arrive pas à calculer la distance qui sépare le véhicule de l'animal. Volvo a identifié d'où vient le problème, bien que le groupe ne semble pas avoir de solution. Dans un entretien accordé à la chaîne australienne ABC, qui publie également une vidéo sur son site, David Pickett, directeur technique de Volvo Australie, a expliqué que l'impossibilité pour l'intelligence artificielle de détecter les kangourous est liée à leur façon de se déplacer. Contrairement à un cerf, par exemple, qui se déplace à l'horizontale sur ses quatre pattes, le kangourou saute. Lorsqu'il est à terre, il apparaît au capteur et donc à l'ordinateur comme plus proche que lorsqu'il est dans les airs. L'ordinateur utilise en effet la route comme point de repère. L'impossibilité de détecter les kangourous n'est bien évidemment qu'un problème pour les voitures en Australie, mais un problème de taille quand même. 16 000 accidents avec des kangourous sont recensés chaque année. 16 000. Incroyable. Toujours en voiture qui se conduisent toutes seules. Les systèmes ADAS d'assistance à la conduite se perfectionnent en attendant la conduite autonome. Et Nissan annonce un système qui s'appelle ProPilot d'assistance avancée avec régulateur adaptatif et maintien dans la file pour sa future Nissan Leaf électrique. Si les régulateurs adaptatifs existent chez de nombreux constructeurs automobiles, Tesla en a fait un système avancé dans ses véhicules électriques grâce au service Autopilot, prenant appui sur de nombreux capteurs et anticipant l'arrivée de la conduite autonome. L'Autopilot de Tesla a l'avantage de réunir plusieurs services de façon harmonisée et cohérente, constituant un système qui permet déjà une conduite semi-autonome. Le groupe Nissan va prochainement lui emboîter le pas en intégrant un système ProPilot dans ses prochains véhicules électriques Nissan Leaf. Cette assistance se composera d'un régulateur adaptatif contrôlant accélération et freinage en fonction du comportement du véhicule devant soi et de maintien sur la file, sans aller cependant jusqu'à la possibilité de changer de voie, comme le propose le dispositif de Tesla. Le système ProPilot sera activable d'un bouton sur le volant, avec un affichage sur le tableau de bord donnant toutes les indications de fonctionnement de l'ADAS, l'ADAS. Ici aussi, il ne sera pas question de relâcher sa vigilance ou de faire autre chose que de conduire, le service étant destiné à soulager le conducteur d'une partie des tâches de la conduite sans le remplacer. Comme l'autopilot, le système ProPilot sera amené à évoluer ces prochaines années pour renforcer les possibilités de conduite autonome jusqu'à la capacité de prendre des décisions de conduite élaborées. Nvidia veut devenir l'un des leaders de la voiture autonome en signant avec Volvo. Nvidia ne cache pas ses ambitions en ce qui concerne le développement de systèmes de conduite autonome. L'Américain vient d'ailleurs de signer un beau partenariat. Les marques suédoises Volvo et Autoliv, qui forment la co-entreprise Zenuity, viennent d'annoncer la signature d'un partenariat avec Nvidia pour mener le développement de véhicules autonomes. Les ambitions de Zenuity sont claires. La marque veut disposer d'un véhicule équipé d'un système de conduite autonome de niveau 4 dès 2021. Ce niveau qui équivaut à une conduite émise en sécurité automatique, même si la personne au volant ne réagit pas. Cette nouvelle alliance n'étonnera pas grand monde, puisque le Suédois travaille déjà à Göteborg avec Nvidia pour tester des véhicules basés sur les technologies de l'Américain. La firme californienne est néanmoins en passe de réussir un beau pari puisqu'elle pourrait devenir un des acteurs majeurs de ce segment et ainsi diversifier intelligemment son activité. En effet, Volvo rejoint déjà d'autres marques comme Audi, Mercedes ou encore Toyota qui traitent déjà avec Nvidia. Le Suédois pourra désormais profiter du système Drive PX2, un supercalculateur pensé spécifiquement pour les voitures autonomes. Ce dernier repose sur le Deep Learning et utilise l'apprentissage machine pour percevoir et comprendre l'environnement de la voiture. Vous l'aurez compris, vous n'entendrez plus parler de Nvidia uniquement pour ses cartes vidéo dans les années à venir. WannaCry maintenant, vas-y. Je reprenais mon souffle aussi pour toi. Merci. C'est difficile quand même. Il fait chaud. WannaCry infecte des caméras de circulation et sauve des automobilistes d'une amende. Au pays des antipodes, une cinquantaine de caméras de circulation ont été infectées par le bug WannaCry, l'espiogiciel WannaCry, les hackers et tout ça. Je pense que techniquement, il y a un de ces mots-là qui s'applique. À la suite de cette infection, la police de Victoria a préféré annuler 590 amendes. Un mois après les premières infections d'ordinateurs et alors que les patchs existent pour éviter une propagation via une faille dans l'implémentation du protocole SMB sous Windows, le Crypto Ransomware, c'est un rançongiciel qu'on appelle en français, WannaCry continue de faire parler de lui. Il a été révélé qu'en début de semaine passée, une usine du constructeur automobile Honda au Japon a été dans l'obligation d'arrêter temporairement sa production à cause de WannaCry. Désormais, on apprend que 55 caméras de circulation en Australie ont eu maille à partir avec WannaCry entre le 6 juin et le 22 juin. La propagation à la cinquantaine d'appareils est le fait d'une erreur humaine avec l'insertion d'une clé USB infectée lors d'une opération de maintenance. A priori, les dispositifs tournent avec un système d'exploitation Windows, évidemment. Pour autant, et même s'il y a eu quelques redémarrages inopinés, les caméras de circulation ont continué de fonctionner et les données enregistrées n'ont pas été compromises. Le nécessaire a été fait pour éviter une plus ample diffusion de WannaCry et les appareils affectés seront désinfectés dans les prochains jours, donc c'est sûrement déjà fait. Pas de données compromises, mais la police de Victoria a tout de même décidé d'annuler 590 amendes pour des excès de vitesse et franchissement de feux rouges. C'est pas la première fois qu'un ransomware touche des caméras de vidéosurveillance. On se souvient qu'une semaine avant l'investiture de Donald Trump dans le bon temps, en tant que président des États-Unis, des caméras de vidéosurveillance de Washington avaient été paralysées par un ransomware. Pas d'erreur lors d'une maintenance, mais plutôt une cyberattaque à ce moment-là. Ensuite, Tesla serait en train de développer son propre service de streaming musical. Ça n'a pas vraiment rapport avec les voitures, mais comme c'est Tesla, on en parle dans le blog Tout ce qui bouge. Les grandes entreprises tendent aujourd'hui à diversifier leurs activités. Elon Musk suit ce mouvement en créant diverses sociétés. Tesla est connu pour ses voitures électriques, ses panneaux solaires, ses batteries pour la maison. Tesla proposera-t-il bientôt un service de streaming musical et pourquoi? Si on peut croire Recode, de nombreuses sources de l'industrie musicale indiquent que Tesla serait entré en discussion avec les principaux labels et l'étiquette de disques pour constituer leur propre catalogue pour un service de streaming. Les voitures Tesla sont équipées d'un ordinateur de bord dont l'interface est proposée sur un écran tactile offrant une grande diagonale, et ce avec une connexion à Internet. Donc un tel service pourrait donc être offert avec la voiture. Les sources quant à elles ne sont pas claires sur le but véritable de ce service de streaming. Certains croient que Tesla voudrait aussi offrir divers services en rapport avec la musique, en proposant notamment de la radio de la même manière que Pandora. Pourquoi pas donc intégrer un service existant? Ben peut-être que justement un accord avec Spotify existe déjà avec Tesla pour les voitures vendues en dehors des États-Unis. Peut-être qu'aux États-Unis on veut faire autrement, peut-être qu'on veut faire payer les gens un petit peu plus cher, peut-être un prix par mois pour ça, aucune idée. Donc c'est ce que Tesla manigance pour l'instant. Ensuite, on va dans les airs. L'hélicoptère rapide d'Airbus est capable d'atteindre les 400 km/h. À l'occasion du salon de Bourget, Airbus Hélicoptère a dévoilé le Racer, un démonstrateur d'hélicoptère rapide Racer, capable d'atteindre les 400 km/h dans le cadre du programme européen Clean Sky 2. Le salon du Bourget est le lieu où montrer ses innovations dans le domaine de l'aviation, et Airbus Helicopters profite de cette opportunité pour dévoiler son démonstrateur Racer, qui est pour Rapid. Non, Mathieu, là. Non. On te ramène à l'ordre. Merci. Rapid and Cost-Effective Rotorcraft entre dans le cadre du programme européen Clean Sky 2, comprenant plusieurs entreprises européennes du secteur aéronautique, travaillant ensemble pour développer de nouvelles technologies dans plusieurs domaines, comme la réduction des émissions de CO2, du bruit, et les économies de carburant. Le démonstrateur d'Airbus est un hélicoptère intégrant de nombreuses innovations lui permettant d'atteindre une vitesse de croisière de 400 km/h. Il s'appuie sur les technologies apportées par le démonstrateur X3 avec un rotor principal, mais aussi deux rotors latéraux portés par des box wings. Tu vois que je connais vraiment ça, là. Hein? Le fuselage profite également d'un alliage hybride métal composite léger et peu coûteux, et de nombreux circuits électriques à haut voltage afin de réduire le poids de l'ensemble. L'assemblage final du démonstrateur devrait être réalisé d'ici 2019 avec un premier vol du Racer en 2020. Toujours dans les airs, on parle toujours de Airbus en fait, vers l'équipement en série de boîtes noires éjectables. Toujours au salon Bourget 2017, ça a été l'occasion pour Airbus d'annoncer la mise en place de nouvelles boîtes noires dans ses avions, capables de s'éjecter automatiquement pour faciliter leur récupération en cas de crash. Airbus aura passé plusieurs années à développer un nouveau système d'enregistreurs éjectables qui seront installés à compter de 2019 dans une gamme croissante d'appareils, les A350, A380, A330 et A321LR, destinés au vol transocéanique. Ce dispositif, baptisé ADFR pour Automatic Deployable Flight Recorder, il n'y a pas de viol là-dedans, devrait répondre aux difficultés rencontrées par les sauveteurs et experts lors de crash d'avions de ligne. La recherche de l'épave lors d'un incident intervenu en mer reste actuellement particulièrement complexe, notamment du fait des mouvements d'eau, mais également de la profondeur des océans qui bloquent souvent les signaux émis par les enregistreurs. Cette nouvelle boîte noire éjectable affichera déjà la particularité de combiner le FDR pour les données de vol et le CVR pour les échanges de cockpit dans un seul boîtier capable d'enregistrer jusqu'à 25 heures de vol. Aucun dispositif pyrotechnique ne sera employé par le module d'éjection, qui sera déclenché grâce à deux circuits de détection de déformation de structure de l'appareil ou via un système de détection hydrostatique. Toujours dans les airs, l'avion supersonique Boom, un nouveau démonstrateur pour le successeur du Concorde. À l'occasion du, devine quoi, le salon de Bourget. L'entreprise américaine Boom Supersonic a annoncé avoir enregistré déjà 76 commandes auprès de 5 compagnies aériennes pour son avion supersonique. Elle a également dévoilé un nouveau design pour son prototype de développement qui a été testé en soufflerie et doit voler à partir de l'année prochaine. L'édition donc 2017 du salon du Bourget a été l'occasion d'avoir des nouvelles importantes du projet d'avion supersonique Boom, prévu pour emmener 55 passagers à Mach 2,2. Cet appareil, présenté comme le successeur du Concorde, qui n'existe pour le moment que sur papier, est censé débuter son exploitation commerciale à partir de 2023. Un Boom supersonique est venu en France, donc au salon du Bourget, avec deux annonces qui montrent que les choses avancent bien. La première est que déjà 76 appareils ont été précommandés, comme on disait. La jeune pousse est basée dans le Colorado aux États-Unis et n'a pas révélé le nom, mais on sait qu'il figure sur la liste Virgin Airlines, la compagnie aérienne de Richard Branson, qui a investi dans la jeune entreprise. Selon des sources officieuses, ce dernier aurait réservé 25 supersoniques Boom. Un tel enthousiasme peut sembler surprenant, mais étant donné la jeunesse du projet et son absence de réalisation tangible, mais les perspectives qu'offre le Boom sont alléchantes pour les acteurs de l'aviation commerciale. Le supersonique tri-réacteur mettrait par exemple Londres à 3h et quart de New York et à moins de 5 heures de Dubaï, le tout pour un tarif équivalent à celui d'un vol en classe affaire sur un avion classique. En attendant de pouvoir tenir cette tenir cette promesse, la start-up s'active au développement de l'avion. Elle a profité du salon pour présenter une nouvelle version de son démonstrateur XB1 surnommé Baby Boom, qui effectuera son vol inaugural l'année prochaine. Selon ses concepteurs, il sera alors l'avion civil le plus rapide au monde. Parmi les évolutions notables au niveau design, le XB1 adopte une troisième entrée d'air située dans la queue qui est censée octroyer une plus grande stabilité au système de propulsion. La partie verticale de la queue a été modifiée afin d'améliorer les performances avec les vents de travers et plein d'autres détails que je vous invite à aller lire par vous-même sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Ensuite, on va sauter quelques nouvelles sur Boom et les autres trucs du Salon du Bourget. Je vais les laisser sur le site quand même dans les notes de l'émission on est rendu à 166. Pour passer à une histoire quand même drôle, 9 ans pour construire le meilleur avion en papier au monde. Le meilleur. Il y en a pas de. C'est comme Donald Trump dirait, le meilleur. T'as jamais vu de meilleur avion de papier au monde. Donc, tu te souviens des petits avions de papier qu'on fait, là, je pense que je te rappellerai rien. Là, t'as pas besoin de. J'en fais encore quand je vais au restaurant avec mon apprendre. Oui, absolument. Je te comprends. Ça, il y a des petits crayons de couleur pour y donner des belles ailes roses. Donc, Luca Iaconi, steward designer de San Francisco de 25 ans, se définit lui-même comme un fou de l'aviation. C'est bien quand même de le dire. À part la reconstruction exacte de l'Air India Boeing 777 à l'échelle 1 pour 60 qui trône dans la maison de ses parents, c'est quand même pas n'importe quoi, une reconstitution intégralement construite en papier. Ce travail de colosse lui a demandé quelques 10 000 heures de travail et de nombreuses recherches afin de rassembler un maximum d'images de l'intérieur de l'avion afin de dessiner ses propres plans. Les plans de construction étaient indisponibles sur Internet, donc il devait le faire lui-même à la main. Il s'est ensuite attaqué aux dessins par ordinateur avant de les imprimer, les découper et les coller ensemble, pièce par pièce, vis par vis, à tel point qu'aujourd'hui encore, 9 ans après son lancement, le projet n'est toujours pas fini. Vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com de ce gars qui travaille le papier dehors des paper cuts sur chacun de ses doigts. C'est incroyable. Amazon imagine, on parle de drones maintenant, des ruches pour ses drones. Amazon poursuit sa réflexion sur son éventuelle future flotte de drones de livraison. C'est un secret pour personne et le géant du commerce américain étudie de nombreuses pistes. Récemment, la société a déposé un brevet concernant un centre de gestion pour ses drones ressemblant à une ruche. Exactement comme une abeille qui traite sa ruche pour aller butiner avant de ramener sa récolte à la ruche, les drones y seraient chargés, effectueraient leur livraison à leur centre, leur livraison à domicile et reviendraient à leur centre de gestion. Pour optimiser toutes ces entrées et sorties, Amazon imagine un bâtiment tout en hauteur. Le brevet décrit aussi que cette ruche pourrait abriter des robots opérant comme assistants pour les employés humains du centre. Et pour empêcher les drones non évités d'entrer, le brevet d'Amazon évoque aussi un verrouillage via communication sans fil sur les plateformes de décollage et d'atterrissage. Comme toujours avec des brevets, difficile de savoir si ça va voir le jour un jour. Hein, mais on va tenir l'œil là-dessus. Uh-huh. Mm-hmm. Et pour terminer, des drones hybrides capables de rouler et de voler. Est-ce que ça va révolutionner un jour les transports humains? C'est le MIT qui travaille sur un concept de drone capable de voler et aussi de se déplacer sur Terre en roulant. Un engin hybride qui pourrait évoluer en toutes circonstances, préfigurant peut-être un nouveau mode de transport. D'un côté, les projets de drones taxi comme ceux de Airbus, EHang et Uber. De l'autre, les concepts encore plus nombreux de voitures autonomes. Dans un cas comme dans l'autre, l'objectif est de nous faire miroiter une révolution des transports où il serait plus sûr, plus rapide et plus adapté aux contraintes urbaines. Mais pourquoi ne pas associer les deux pour tirer avantage de chaque solution? C'est l'idée portée par une équipe du CCL, qui est le Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory au MIT, qui est le Massachusetts Institute of Technology, bien sûr. Ces chercheurs ont fait le constat que les drones étaient rapides et agiles, mais pas adaptés pour de longs trajets, tandis que les véhicules autonomes terrestres sont moins énergivores, mais plus lents et moins mobiles. Ils ont donc conçu un drone hybride, mi-avion, mi-voiture, accompagné d'un logiciel de planification d'itinéraire, capable de coordonner la circulation de flottes d'appareils de ce type dans un environnement urbain contraignant. Je cite, la capacité de se mouvoir au sol et dans les airs est très répandue dans la nature. Ils évoquent les insectes, les oiseaux et d'autres animaux qui sont dotés de pattes et d'ailes et constatent que peu d'engins volants de petite taille sont équipés de roues. Leur concept de drone hybride se présente sous la forme d'un quadricoptère miniature muni de deux roues motorisées. Lors des simulations, l'engin a pu voler sur 90 mètres et rouler sur 252 mètres avant de vider sa batterie. Pour valider le système, le CCL a créé une flotte de 8 drones hybrides qu'il a fait évoluer sur une maquette reproduisant une ville avec des axes de circulation, des bâtiments, des aires d'atterrissage et de stationnement, ainsi que des zones interdites au survol. Dans une vidéo sur assemblagerequis.com, on peut constater que l'algorithme de planification démontre sa capacité à coordonner les déplacements terrestres et aériens de chaque appareil, ainsi que les phases de transition de façon totalement fluide, contrairement à quand je parle. De tels drones hybrides pourraient avoir de multiples usages, que ce soit pour évoluer sur des terrains complexes nécessitant d'alterner vol et circulation routière pour des missions de secours, par exemple, transporter des charges utiles sur de longues distances ou encore des passagers. Pour autant, les chercheurs du CCL reconnaissent qu'il reste encore de nombreux obstacles à surmonter pour pouvoir passer du stade de ces engins miniatures à celui d'appareils susceptibles de transporter des humains ou des marchandises. Mais il s'agit d'une alternative vraisemblablement plus flexible à la voiture volante, laquelle impose de nombreuses conditions comme un permis de pilote, décollage, atterrissage depuis les pistes autorisées et coûte très cher. Donc un jour, peut-être, qu'on aura ça pour nous aussi. Voilà, c'est tout pour le bloc. Tout ce qui bouge, il s'en passe donc bien des affaires qui bougent. J'ai sauté comme plein d'articles, c'est incroyable. De plus en plus grand ce bloc de choses qui bougent. On est dans le futur, que voulez-vous, c'est comme ça. Au retour de la pause, ce sera la chronique de Frédéric Simon. Frédéric qui va nous parler de la mini Super NES. Oui. Et de Diablo 3. Oui, et je vais aussi faire glisser un mot sur Summer Games Done Quick. Ouh, qui commence. Ouh. Hey, là, ça commence à ressembler à des chroniques de Samuel Girard. Là, tu ça commence. De plus en plus. Là. mais avant ça, la semaine passée, il y a deux semaines, quand t'es venu à l'émission, on avait terminé la chronique avec un extrait de la chanson de Super Mario Odyssey. Oui. Où Pauline chantait. J'ai trouvé depuis la version complète de la chanson. Donc avant ta chronique, c'est ce qui s'en vient. Voici Pauline and the New Dunk Players et One Up Girl. NPS le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds are just worlds, begin to tell. This rhythm is a power. toujours au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante, en compagnie maintenant de Frédéric Simon. En fait, il était déjà là, là, pour sa chronique. Là, on va le présenter pour vrai. Là. C'est la chronique d'un autre gamer à un autre, aux deux semaines où on parle de jeux vidéo en général, des fois rétro, des fois pas. Genre des jeux vidéo en général. Des jeux vidéo, exactement. On a plusieurs sujets aujourd'hui. Par quoi est-ce qu'on commence? On va commencer par Diablo, tiens. On va y aller ça. Le Diablo est dans les détails, comme on dit. Short and sweet, okay. Comme on dit. Court et sucré. Sans Patrice Bélanger à sucré salé. On n'embarque pas là-dedans. Non. Donc, mardi 27 juin est sorti un personnage qu'on attendait depuis longtemps sur Diablo 3, c'est le Nécromancien, qui était présent aussi dans Diablo 2. J'ai eu la chance d'y jouer en achetant ce personnage parce que ce DLC n'est pas gratuit. Non, et c'est pas parce qu'on est à la radio qu'on se fait donner des affaires. Non, donc j'ai payé le 15$ US. Ton argent. Oui. Oui. Mais le personnage en vaut la peine. Ah oui? Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup de nouveaux objets, plusieurs ensembles d'équipements dont on peut profiter. Et beaucoup de plaisir en perspective. En fait, je le recommande, même si c'est pour seulement un personnage et quelques zones additionnelles. Ouais. Mais qu'est-ce qui représente pour toi ce nécromancien? Pourquoi est-ce que tu l'aimes tant que ça? Qu'est-ce qui fait de spécial? Ah, ben en fait, encore une fois, un peu l'élément nostalgique, parce que j'ai beaucoup joué à Diablo 2. Il y a beaucoup de sorts qui reviennent. Ça fait combien de temps, Diablo 2? Diablo 2 est sorti en 2001, je crois, qui est sorti. Et Diablo 3, lui? Diablo 3, c'est en fin la dernière décennie, je crois. Ah ouais, ok, tant que ça, donc ils sortent encore du nouveau contenu pour quelque chose qui date d'au moins peut-être 7 ans et plus. Là. Oui. Wow, c'est quand même impressionnant. Oui, mais je te dirais que les critiques étaient assez mitigées à la sortie de Diablo 3 parce que c'était pas comme Diablo 2, beaucoup d'éléments différents, mais... Ceux qui n'ont pas joué à Diablo 3 depuis longtemps, qui l'ont délaissé, je vous conseille d'aller faire un tour dessus. Beaucoup, beaucoup de contenus ont été ajoutés avec les patchs et l'expansion Reapers of Soul, mais maintenant, avec cette nouvelle patch-là, encore plus de matériel. T'es en train de me dire que tous ceux qui ont écrit une mauvaise critique de Diablo 3 vont devoir en écrire une nouvelle. Le jeu a extrêmement beaucoup changé. C'est une bonne chose. Pour c'est vrai. Une bonne chose. Faut s'améliorer, faut savoir entendre les commentaires négatifs des gens et en faire du positif. Ben, pour une fois qu'une compagnie écoute... Hey. C'est quelle compagnie, ça? C'est Blizzard. Ah, voilà, j'allais dire. Blizzard, c'est ceux qui sont là pour leurs fans. Eh oui. Parce que les fans sont là pour eux autres. Hein? C'est les fans qui payent. Hein? C'est ça. 15$ US pour un personnage. Mais bon, j'ai eu du plaisir et je vais continuer à jouer. Génial. Passons maintenant du côté de la SNES Mini. Nouvelle qu'on attendait impatiemment parce qu'on avait entendu des rumeurs. Non, ben, je pense qu'on se créait des espoirs. On se créait des espoirs, ben... Quand la NES a arrêté d'être produite, les gens se disaient « Oh, c'est parce qu'il va y avoir une Super NES! » Il y avait raison. Il y avait raison. Ouais, ouais. Et Nintendo a annoncé qu'il était pour avoir plus de SNES là, en termes de quantité. Permets-moi d'en douter quand même. Ils ont dit ça sur la Switch que c'était facile de se la procurer. Là. C'est de plus en plus facile de se la procurer. Oui, mais... Parce qu'ils continuent d'en produire, évidemment. Ils ont annoncé qu'ils faisaient plus de quantité. Mais encore une fois, ils ont annoncé que c'était pour un temps limité. Oui. Donc, c'est déjà déterminé que à la fin décembre, ça finit là. Ça commence en septembre, si je comprends bien. Oui, le 29 septembre, la date officielle au Canada. Deux manettes, j'entends dire aussi. Deux manettes. Ça, c'est bien aussi parce que les manettes de NES Classic sont aussi introuvables que les consoles. OK. C'est bizarre quand même, je me serais attendu à ce que les accessoires soient plus disponibles que la console, t'sais. Mais en fait, on peut toujours assez facilement trouver les fameux joysticks qu'il y avait sur la NES qui sont en vente encore un peu partout. Est-ce que les vieilles manettes fonctionnaient, celles de ton temps? Non, non, parce qu'ils ont pris la prise en fait des manettes de Wii. Ah, mon dieu. Donc, mais il y a quand même, je crois que ça existe des adapteurs spéciaux. Il y a la longueur des fils qui était vraiment courte sur la NES Mini. Ça doit faire 2 pieds maximum. C'est n'importe quoi, ça. Donc, mais tu peux encore te trouver des rallonges pour les manettes que t'as pas. C'est ça. Le prix, 100$ canadiens. Canadiens? C'est pas si pire que ça. C'est pas si pire, mais c'est quand même 20$ de plus que la NES. Ouais. Pour encore moins de jeux. 21 jeux. Et tu peux pas en ajouter. Semble-t-il pour l'instant, jusqu'à temps que ce soit hacké comme la NES Mini, ben, mais c'est ça. Officiellement, mettons. Officiellement, non. Mais, je me demande quel jeu j'ajouterais. quel jeu t'ajouterais de plus que ceux qui sont qui vont être parce disponibles parce que la liste concept? Est excellente. Okay. Ils ont vraiment sorti les, ben, pour ma part les meilleurs jeux de Super Nintendo. Okay. Donc je vous donne quelques-uns en rafale: Super Mario World, Super Mario Kart, uh-huh. The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Metroid, encore un jeu de course avec F-Zero, Donkey Kong Country le premier, Star Fox et en primeur, oui, Star Fox 2, jamais qui n'a jamais été sorti en fait, mais on va pouvoir y jouer. En fait, on va pouvoir le débloquer, okay, en finissant le premier tableau de Star Fox. Ben oui, ça doit être une bonne idée, ça. C'est une très bonne idée. Et sinon, la liste continue avec Mega Man X, Final Fantasy 3, Secret of Mana, Super Mario RPG, un jeu méconnu, mais qui est ben, en fait méconnu. C'est un classique de Super Nintendo, moins connu. Earthbound aussi, excellent jeu RPG. Tu l'as dit en rond tantôt que Earthbound en tant que tel coûte vraiment cher sur eBay. Écoute, les reproductions coûtent environ 40$. Ça veut dire une fausse cassette dans laquelle on a inséré le logiciel dedans. Voilà. Okay. La cassette originale, loose, comme on dit, là, juste la cassette, normalement, tu peux trouver un bon deal à genre 250-275, mais c'est plus autour de 300 à 350. Wow, et les gens achètent aussi le livre d'instruction tout seul. Oui, j'ai vu un livre se vendre pour 50$. Juste le livret, sans la boîte et le jeu. C'est n'importe quoi, mais t'as vu que Nintendo peut tirer profit de ça. J'ai vu récemment qu'il y avait la boîte d'un bundle de la Switch avec, je crois que c'était Splatoon 2. Pour que les gens puissent mettre, j'imagine, leur jeu, la console, la manette, les petits joysticks de couleur. C'est juste la boîte en carton et ils vendaient ça officiellement à Nintendo. Ben, il y a de plus en plus de collectionneurs, hein, donc ils veulent avoir les éditions limitées parce que c'est un item de collection. Ouais. Pourquoi pas? Je comprends. Je peux pas dire que je comprends tout, mais je comprends en gros. En même temps, les collectionneurs qui achètent la vraie version avec la console intégrée, c'est bon, ben j'aurais dû acheter juste la vraie version puis racheter la boîte après, mais bon. Ça est un autre débat. J'ai la réponse par rapport au fil de la Super Nintendo Classic Mini truc. Les fils vont faire le double d'avant, donc 1,5 mètre versus le 0,75 mètre de la NES Classic Mini. Ben c'est ça, ça fait près de 2 pieds. Hein, quand... C'est pas beaucoup, quand même pas beaucoup. Mais ça va faire du bien, puis j'imagine qu'il n'y avait pas le choix en même temps. En mettant deux manettes, tu veux pas que les deux soient assis un sur l'autre pour pouvoir jouer. Exactement. Donc, excellente décision. C'est peut-être un peu ça aussi qui explique le 20$ de plus. Ben oui, pour doubler la longueur des fils, parce c'est sûr. Parce qu'on sait qu'une manette, ça coûte vraiment 20$ à produire, mais bon. As-tu vu qu'en Europe, évidemment, le nom va être encore différent. Ça va être le modèle de l'Europe. La Super Famicom. Et super cute, en plus, la petite avec les coins ronds. Mais nous autres, en Amérique du Nord, ça va être le modèle mauve, là, ben, comme dans le temps. En Amérique du Nord, on a la Nintendo Entertainment System, tandis qu'au Japon et... en Asie, on avait la Family Computer, donc la Famicom. Ben, c'est la même chose pour la Super Nintendo et le Super Famicom. Il y avait aussi sorti la Super... ben, en fait, la Famicom Mini, qui était une espèce de beige déjà jauni. Beige et rouge, un peu bizarre. Hein? Mais quand même... Et parlant de l'édition japonaise, il va y avoir des jeux différents aussi. Oh! Pour les collectionneurs, ceux qui veulent acheter la version européenne parce que ça va être les mêmes jeux que la version japonaise. 5 jeux qui vont différer. J'ai la liste juste ici. Je l'avais en tout cas, il n'y a pas si longtemps. Ah, ici, oui. Ok. d'ailleurs, on en a glissé un mot. Earthbound ne fera pas partie de la liste. Fait qu'il va falloir acheter les deux. Il va falloir acheter les jeux. Mais il va y avoir Fire Emblem, The Legend of Mystical Ninja, Panel de Pawn, Super Soccer et Super Street Fighter 2 The New Challengers à la place de Earthbound, Kirby, Street Fighter 2 de Turbo, Super Castlevania 4 et Super Punch-Out. J'aime pas le fait qu'ils ont enlevé ces jeux-là parce qu'ils auraient été populaires aussi là-bas, mais je comprends qu'ils aient ajouté le soccer qui est plus populaire, qui aurait pas marché en Amérique du Nord, des trucs comme ça. Oui, mais c'est quand même des gros noms qu'ils ont enlevé. Earthbound, Kirby, Super Punch-Out, Castlevania. Non. C'est des classiques. C'est plate parce que si les gens en achètent deux, une de chaque, ça va réduire le potentiel d'acheter une console de Nintendo. T'as vu que sur eBay, les consoles sont en pré-vente à des prix ridicules? J'ai pas été faire un tour du côté d'eBay. J'ai cherché, par exemple, savoir s'il y avait des précommandes de possibles. Au Canada, présentement, semble-t-il que non. Aux États-Unis, on peut... avoir une précommande, mais pour avoir une notification comme quoi qu'ils sont sortis. C'est ça. Donc ça te réserve pas ta console. Non, mais en plus t'as 2 minutes pour commander. Il y en a qui sont là. Par contre, en Europe, il y a des possibilités de précommander déjà. Donc, à vous de voir si, si vous voulez payer en euros et acheter une console d'avance. Faut faire avoir un peu. Sur eBay, on parle de, du triple et du quadruple, non, double, double ou triple du prix en ce moment. Et c'est pour des gens qui n'ont pas encore acheté la console entre leurs mains, mais qui te promettent de te la revendre à trois fois le prix. J'imagine qu'ils vont faire la file eux aussi. Ouais, voilà. Ah là là. Aïe, aïe, aïe, aïe. Mais bon, 29 septembre, j'aimerais ça mettre la main là-dessus. Parlons de ta technique, pas trop dans les détails, mais tu sais, sans dire le nom des endroits où tu vas, juste en gros le principe de, que tu fais pour te procurer la NES Mini. J'ai eu la mienne par une page de tirage sur Facebook. J'ai été chanceux, j'ai misé, puis c'est mon nom qui est sorti. Donc c'est pas une méthode à toute épreuve là, c'est t'as pas une vraiment méthode participé à toute épreuve. À un concours. Okay. J'aurais pu de toute façon sinon acheter toutes les parts et être m'assurer du. C'est combien la part habituellement? Oh, ça dépend vraiment. Ça dépend. Là, de toute façon, ils se vendent toujours autour de 400$ les NES classiques. Bonne chance. J'ai eu la mienne pour 30$. J'ai été vraiment chanceux. Wow! Combien qu'elle valait en magasin? Ça dit 80? 80, ouais. Wow. Donc j'ai payé moins cher que la valeur en magasin, mais bon. Chanceux! Oui. Il n'y a pas d'autre. Ouais, t'es reconnaissant au moins. Oui, oui, oui. C'est ça. Est-ce que tu, si tu te la procures, tu vas venir nous en parler, tu vas venir nous la montrer? Absolument. Génial. Sinon, je voulais en glisser un mot aussi, Summer Games Done Quick, oui. Qui commence ce week-end, en fait, c'est le à partir du 2 juillet jusqu'au 9 juillet. Donc, le groupe Games Done Quick, chaque année, fait ses deux marathons de speedrun. Summer Games Done Quick, ça fait encore une fois Minneapolis, Minnesota. Cette fois, pour la charité, en fait, c'est Médecins sans frontières. Oh. Summer Games, c'est tout le temps Médecins sans frontières, tandis que à l'édition de janvier, le Awesome Games Done Quick, c'est pour Prevent Cancer Foundation. Ils ont ramassé 2,2 millions c'est, au mois de janvier pour la fondation. Ils espèrent pouvoir reproduire cette somme cet été. Mais est-ce que ça veut dire que si celui du mois de janvier s'appelle Awesome Games Done Quick, puis celui de l'été, c'est Summer Games, est-ce que ça veut dire que les jeux sont pas awesome? Absolument bon. Pas. La liste de jeux est excellente. À surveiller une course à relais avec les meilleurs joueurs de Mario au monde. Ça va se dérouler, ça, je crois, c'est le 7 juillet en soirée. Sinon, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Ils ont été un peu d'audace aussi avec. Ils vont faire une speedrun de 8 heures. Oui. Avec Final Fantasy VII qui va plus être joué ou moins rapide, complet. Ça. C'est plus ou moins rapide, mais de faire le jeu complet, ouais. veux pas, en 8 heures. Et sinon, c'est sans glitch, évidemment. Mais de toute façon, Final Fantasy VII, il n'y en a pas tant que ça. Ah t'sais. Non, ah. Ben, tu sais, c'est une moyenne contournée, on s'entend. Les glitches, c'est des façons de se rendre à la fin du jeu en trichant, en prenant des petits bugs dans le jeu, puis en se faisant changer de place. C'est ça, mais ouais. En faisant le jeu, ben. Ah, 8 heures. 8 heures. Beaucoup de textes là-dedans, je pense. Hein? Oui, beaucoup, ouais. beaucoup de textes et de cinématiques. Ouais. Mais tu sais, ça va du Earthbound à du Dark Souls à du Diablo 2. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Tu regardes ça tout au long de la soirée et de la nuit ou tu dors pas? J'ai de la misère à m'arrêter parce que c'est vraiment plaisant à regarder. C'est vraiment, la plupart, c'est dans les meilleurs joueurs au monde. C'est ça, déjà talentueux. Faut se mettre longtemps d'avance et c'est assez bien organisé. Difficile de déroger du plan de match en faisant moi je suis capable de faire ce jeu-là en 25 minutes et que ça te prend 2 heures. Ça marche pas tellement. Ça marche pas. Mais c'est pas mal ça, Mathieu. Eh ben voilà, Colin, plein de sujets, 3 sujets aujourd'hui. 3 sujets. C'est cool. On te retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique, comme toujours. Oui, on l'espère. On l'espère. Et on t'écoute à Matière Noire. Oui. Les dimanches soirs à 19h pour l'été. Oui. Sinon, après le baseball, dépendant. Oui. Si la partie dure 5 heures comme celle d'hier. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bref, on écoute aussi Samuel Girard en alternance avec toi aux 2 semaines entre les deux. Donc, tu as quelqu'un pour le reste de l'été, ça devrait en tout cas. Ça devrait. Si tout va bien. Si tout va bien, on se croise les doigts parce qu'on sait qu'avec mon travail, c'est pas facile. Et voilà. Merci, Frédéric Simon. Merci à toi. On écoute Sunstep avec Like We Used To et on revient avec Television, Television. Vous êtes au Mathieu Plante Show sur C'est Fou. We'll be right back. Vous êtes assez fous. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. L'ambiance de cette pièce-là, c'était Gunmetal Fortress par Warfare. Et avant ça, avant la pause, c'était Like We Used To de Sudstep. Maintenant, c'est Television, Television! Télévision, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours, en commençant par le Québec avec une émission à sketch entièrement féminine qui s'en vient sur Radio-Canada. Léanne Labrèche d'Or, Geneviève Schmitt, Julie Raguette et Marilyn Thibault unissent leurs talents de comédienne dans la nouvelle émission humoristique Les Magnifiques. En 12 épisodes de 30 minutes, le quatuor féminin jouera des sketchs d'une durée de 30 secondes à 3 minutes. Les comédiennes se mettront en scène dans des situations toutes plus absurdes les unes que les autres, exagérant les différentes facettes de leur personnalité de façon assumée. Ça fait penser à Like Moi, des trucs comme ça, mais sans Catherine Levac, ça me surprend de pas l'avoir là-dedans. On peut compter parmi les auteurs Jean-François Léger, d'un gars, une fille, les parents, Catherine et quelques bye-bye. Le concept vient d'Allemagne, avec l'émission Lady Cracker, déjà adaptée dans plusieurs pays, notamment en France et en Espagne. L'émission est magnifique, sera produite par KO TV et la diffusion est prévue à Radio-Canada à la saison 2017-2018. Ensuite, toujours au Québec, mais via le Canada anglais, Ici, RTV va diffuser la nouvelle version doublée en français de la série Anne, les samedis à 21h du 5 au 21 août. Anne, c'est la suite de Anne, la maison Pignon Vert, inspirée du classique de la littérature jeunesse de Lucy Maud Montgomery, et diffusée au printemps dans la version originale anglaise sur CBC, et composée de 7 épisodes, donc un épisode de 120 minutes, un téléfilm, et 6 épisodes de 60 minutes. Chaque semaine, une case de 2 heures permettra de plonger dans l'univers fantasmagorique mais parfois sombre de l'attachante Anne Shirley. Ainsi, le premier épisode de 120 minutes sera présenté le 5 août. Puis deux épisodes de suite chaque samedi soir. L'émission va aussi évidemment être diffusée sur Radio-Canada parce que bon, hein, tu sais, hein, on a du copinage comme ça entre le même propriétaire. Attendu avec impatience par les millions de fans d'Anne et par une toute nouvelle génération de spectateurs qui ne l'ont pas encore rencontré, cette série raconte l'histoire de Anne, jouée par Amy Beth McNulty, une Canadienne originaire de Donegal en Irlande, choisie parmi 1889 jeunes filles. Une jeune rookie adoptée en 1890 qui se bat envers et contre tout pour se faire accepter et gagner l'affection de son nouvel entourage. Cette jeune fille qui, après avoir été maltraitée des années durant en orphelinat et par un chapelet de famille d'accueil, atterrit par erreur dans le foyer de Mirella Cuthbert, jouée par Geraldine James, une vieille dame sans enfant qui désirait adopter un garçon, et de son frère Matthew, joué par R.H. Thompson. Avec le temps, Anne va illuminer leur vie et celle de leur petite communauté d'Avonlea à l'île du Prince-Édouard grâce à sa vive intelligence et son imagination débordante. La série rend hommage au roman Chérie des Canadiens, devenu un phénomène mondial, mais Anne est aussi un projet qui s'inscrit dans son époque en présentant une héroïne merveilleusement moderne et rafraîchissante, nous dit-on, chez TVQC.com. Au cours de leur aventure, Anne, son amie Diana, Gilbert Blythe, Jerry et tous les autres personnages abordent des thèmes intemporels tels que l'identité, le sexisme, le harcèlement, les préjugés et la confiance en soi. Rappelons que le roman de Lucy Maud Montgomery s'est déjà vendu à plus de 50 millions d'exemplaires à travers le monde. La série Anne a été adaptée à la télé et produite par Moira Wally Beckett de Breaking Bad, en collaboration avec la productrice canadienne Miranda de Pinchier et les productrices Allison Owen et Deborah Hayward de Monumental Pictures et la productrice Susan Murdoch. Voilà. Ensuite, toujours au Canada. Oui? Toujours au Canada, oui, au Québec si on veut. Le Lapin Blanc, des livres de Stephanie Blake, Simon, s'en vient à Télé-Québec. La première saison de cette série jeunesse, Simon, qui est inspirée des livres de Stephanie Blake, donc sera en onde à compter du 26 juin. On retrouvera à l'écran un célèbre lapin qui fait le bonheur des petits lecteurs depuis l'apparition du premier volume à l'École des loisirs en 2002. Au cours de 52 épisodes de 5 minutes, les enfants de 3 à 6 ans pourront suivre Simon dans son quotidien. Les petits soucis des enfants, ils sont dédramatisés sur le mode de la comédie dans une atmosphère chaleureuse, légère. Simon est à l'âge où il commence à savoir ce qu'il veut et à vouloir décider des choses par lui-même. On le verra dans un univers familial joyeux, avec ses parents, son petit frère Gaspard et tous ses petits copains. Grâce à un partenariat avec Gallimard, une pastille diffusée à Télé-Québec sera ajoutée à 1250 livres Simon distribués au Québec. Ces pastilles feront ainsi la promotion de cette nouvelle acquisition. Simon a été acheté par de nombreuses chaînes à travers le monde, dont France Télévisions et Disney. Les 17 albums de la série sont vendus à 3 millions d'exemplaires en France seulement. Et la série sera diffusée du lundi au vendredi à 6h24 et sur le site internet de Télé-Québec. On va aux États-Unis ensuite. Lisa Kudrow, Phoebe, pourrait être de retour dans un spin-off de Friends. Pour toute une génération, Lisa Kudrow, c'est Phoebe Buffay, la jeune femme totalement délurée de la série culte Friends entre amis. Une série à qui aura eu droit, oui, à de longues années de succès et qui pourrait avoir droit à un spin-off, une série dérivée centrée justement sur le personnage de Phoebe. Si on peut croire une source proche, le site InTouch annonce que Lisa Kudrow est en discussion avec la co-créatrice de la série, Martha Kaufman, sur un projet de spin-off, un peu comme Better Call Saul, le dérivé de Breaking Bad. Selon cette source, la série s'attarderait sur la vie de Phoebe de longues années après la fin de Friends. Son personnage serait sûrement divorcé, vivrait de nouveau dans la ville de New York et de manière naturelle, elle entrerait en contact de manière occasionnelle avec les autres membres de son ancien groupe de Central Park. Évidemment, on avait pensé la même chose du dérivé de Joey juste après Friends, mais il n'y a pas eu d'apparition de personne. Les autres personnages interprétés par Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew Perry notamment n'y feraient que des apparitions, nous dit-on, ce qui pourrait donner quand même de la bonne télévision, donc on attend les nouvelles là-dessus. Ensuite, on va, Colin, déjà, il n'y avait pas grand-chose aux États-Unis, on s'en va directement à l'international avec le tournage du film sur Downton Abbey qui doit débuter l'an prochain. La populaire série s'est terminée en 2015 alors que les contrats des acteurs arrivaient à échéance et que ceux-ci désiraient passer à autre chose. Le président de NBC Universal International Studios, Michael Edelstein, a récemment confirmé que le tournage du film inspiré de la série historique Downton Abbey s'enclencherait en 2018. Je cite, il y a effectivement un film en développement, même qu'il est en développement depuis un certain temps. Nous travaillons actuellement à obtenir un scénario parfait et ensuite nous devrons trouver un moyen de rassembler la distribution. Nous espérons faire le film l'année prochaine, a déclaré Edelstein dans le cadre d'une exposition consacrée à Downton Abbey se tenant à Singapour. On rappelle que la série suivait les vies et les intrigues de la famille aristocratique des Crawley et de leurs domestiques dans le domaine de Downton Abbey entre 1912 et 1926. La distribution de Downton Abbey comprenait notamment Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Jessica Brown Finley, Lily James et plusieurs autres. Aucun nom de réalisateur n'a été avancé pour le moment. La production espère qu'au moins 20 acteurs ayant participé à la série d'origine soient présents au générique du long métrage. Toujours en Grande-Bretagne, la BBC One lance une nouvelle compétition de chant qui s'appelle The Chart. Et c'est la BBC, donc peut-être un petit peu moins pop, j'espère. BBC One va piloter une nouvelle compétition de talent nommée The Chart, donc les palmarès, si on veut, animée par Zoe Ball et Roman Camp, produit par Thames, qui fait partie de Fremantle Media. Ça, c'est les mêmes que American Idol, si je me rappelle bien. The Chart va créer donc le premier palmarès mondial des chanteurs non découverts encore. Chaque semaine, des chanteurs de partout au Royaume-Uni vont envoyer leurs performances à une application et le public va voter pour choisir le top 10. Les 10 vont se battre dans une émission hebdomadaire qui va culminer à la fin avec le numéro 1 des palmarès non connus. Voilà. Donc les semaines vont progresser, l'histoire va se développer, certains chanteurs vont rester plusieurs semaines, il va y avoir aussi de nouvelles entrées et des découvertes, pareil comme un vrai palmarès. Donc The Chart est une production Thames pour BBC One, achetée par Joe Wallace, qui est le BBC Commissioning, BBC Commissioning Editor, pour le divertissement, donc c'est elle qui achète des formats. C'est créé et produit exécutivement par Andrew Linares et Ben Thursby. Voilà. Ensuite, je dois vous avertir ici que cette nouvelle va contenir des spoilers pour Making a Murderer. Si vous n'avez pas encore regardé cette série-là sur Netflix, vous pouvez fermer les oreilles, fermer le volume de la radio, changer pas de poste parce qu'on veut pas vous écouter dans la station, s'il vous plaît. Donc, nouveau rebondissement dans la saga de Making a Murderer. Une cour d'appel de Chicago a confirmé un jugement favorable à la libération d'un des personnages centraux de Making a Murderer, la série documentaire à succès qui a illustré les failles du système judiciaire américain. Les aveux de Brandon Dassey ont été forcés à estimer la cour, à la majorité de 2 juges sur 3. Ce jeune homme d'aujourd'hui 27 ans et son oncle Stephen Avery ont été condamnés à la réclusion à perpétuité en 2017 dans une région côtière du lac Michigan pour l'homicide d'une photographe de 25 ans, Teresa Albeck. Oura a dit sur Twitter Jerome Buting, l'un des avocats convaincus depuis le début de l'innocence des deux prisonniers. Cette décision de la cour d'appel ouvre la voie à une possible libération de Brandon Dassey, même si le procureur général du Wisconsin a par le passé ardemment combattu cette éventualité. L'État peut aussi décider de rejuger M. Dassey ou faire appel devant la Cour suprême. Diffusé sur Netflix et sorti en décembre 2015, la docu-série Making a Murderer dissèque l'enquête sur le meurtre de Teresa Halbach en soulevant nombre d'éléments troublants. La série a lancé un débat national sur les procédures judiciaires aux États-Unis et la culpabilité ou l'innocence des protagonistes. Pour des millions d'Américains, les deux hommes ont été confondus par des investigations implacables. Pour des millions d'autres, ils ont été l'objet d'une machination ourdie par la police ou le procureur du Wisconsin qui avait depuis longtemps la famille Avery dans leur collimateur. Les défenseurs de Brandon Dassey, qui est doté d'un quotient intellectuel assez limité, si vous avez regardé l'émission, vous savez de quoi on parle, ont toujours affirmé qu'il avait été poussé à une confession sur des faits imaginaires lors d'un interrogatoire très controversé. Adolescent à l'époque du meurtre de Mme Halbach, il a également été très mal défendu par un avocat commis d'office. Après la sortie du documentaire sur Netflix, de nombreux appels à la libération du jeune homme et de son oncle ont été lancés et une pétition a été envoyée sans résultat à la Maison-Blanche pour demander une grâce présidentielle. Dans une première affaire, Stephen Avery avait passé 18 ans derrière les barreaux pour une violence agression sexuelle qu'il n'avait pas commise. Il avait été innocenté par des preuves d'ADN et libéré de prison en 2003. Ses ennuis ont recommencé juste au moment où il s'apprêtait à poursuivre devant les tribunaux les responsables de cette erreur judiciaire, ce qui, selon les partisans, renforce la thèse du complot contre lui. C'est rare que je croie aux théories du complot, mais dans ce cas-ci, j'y crois pas mal fort. Donc, un article de l'agence France Presse. Écoutez Making a Murderer, c'est un bijou du documentaire. Ensuite, le baron de la drogue El Chapo envisage de poursuivre Netflix, justement. Le baron de la drogue américaine, mexicain, Joaquin El Chapo Guzman, envisage de porter plainte pour diffamation contre Netflix et Univision pour la diffusion d'une série relatant sa vie, a indiqué l'un de ses avocats. Le chef du cartel de Sinaloa dans le nord-ouest du Mexique, emprisonné aux États-Unis depuis son extradition en janvier, est diffamé par cette série intitulée El Chapo, dans laquelle il est présenté comme un criminel sans cœur, estime son avocat José Refugio Rodriguez. Je cite, des événements se produisent dans la série qui ne correspondent pas à la réalité. Cela constitue de graves violations du droit à la présomption d'innocence de M. Guzman, a défendu M. Refugio sur Radio Formula. Ce n'est pas la première fois que Guzman ou l'un de ses avocats menace d'entamer une action en justice contre la série. qui relate le destin de l'un des plus puissants dirigeants de cartels de drogue de la planète. L'an dernier, un autre de ses avocats avait menacé également de poursuivre la plateforme américaine de vidéos en continu et la chaîne de télévision hispanophone pour le non-paiement de droits. La série où El Chapo est incarné par l'acteur mexicain Marco de la O a néanmoins été diffusée en avril. Elle lui cause un dommage moral et l'affecte, y compris dans... Et je cite ici, un dommage moral et l'affecte, y compris dans la procédure pénale en cours aux États-Unis, et pour cette raison, nous allons nécessairement entamer une action. L'avocat a toutefois précisé qu'il n'avait pas encore parlé du sujet avec le narcotrafiquant lui-même, car il n'est pas autorisé à communiquer avec lui dans sa prison de New York. Guzman, 60 ans, est défendu par deux avocats aux États-Unis, mais la justice américaine a refusé à son équipe d'avocats mexicains le droit d'assurer sa défense, de craindre notamment que la vie de certains témoins puisse être mise en danger. El Chapo, qui a effectué deux évasions spectaculaires de prison de haute sécurité au Mexique, est actuellement à l'isolement. Ironiquement, c'est en cherchant à voir sa vie portée sur l'écran que Guzman a permis aux autorités de retrouver sa trace et de l'arrêter. El Chapo avait été interpellé en janvier 2016 après 6 mois de cavale, quelques semaines après avoir reçu l'acteur américain Sean Penn et la comédienne américano-mexicaine de telenovela Kay Del Castillo pour discuter d'un projet de film et réaliser une entrevue. Toujours chez Netflix et on change mais complètement de sujet, Netflix qui se lance dans les programmes interactifs pour enfants. Netflix va prochainement proposer deux programmes télé interactifs destinés aux enfants, leur permettant de choisir l'évolution de l'action à l'écran. En plusieurs points de l'intrigue, le public aura le choix entre plusieurs suites possibles. On en parlait il y a quelques semaines, on a plus de détails cette fois-ci. Le crocodile doit-il aller à gauche ou à droite? Faut-il affronter les ennemis ou battre en retraite? Le bon vieux roman dont vous êtes le héros n'a plus vraiment la coche des enfants, mais il voit un avenir se dessiner devant lui sur vidéo. Netflix est en effet convaincu que la diffusion de contenu en ligne ouvre la voie à une nouvelle forme de narration dite en branche. Aujourd'hui, impossible pour les diffuseurs traditionnels. Deux programmes vont ainsi bientôt faire leur apparition sur la plateforme en ligne. Le premier sera un épisode des aventures du Chapoté, Puss in Boots, coproduit avec les studios DreamWorks, qui va être rebaptisé en passant, pas le studio, mais l'émission, pour l'occasion, un excellent jeu de mots en anglais, Puss in Book, ou le Puss in Boots. Donc, chapoté, ça se traduit pas vraiment avec un livre dedans, mais bon. Et sous-titré Trapped in an Epic Tale, piégé dans une aventure épique. L'histoire proposera deux fins possibles. Le second programme du genre, un épisode interactif de la série en stop-motion Buddy Thunderstruck, en proposera quatre. Et pour ces deux émissions, l'arrivée à la conclusion pourra se faire par de nombreux chemins. Il y a un plan qui est disponible qui vous dit quel choix prendre pour arriver à une certaine situation. C'est sur assemblagerequis.com, bien sûr. Ensuite, toujours chez Netflix, la série animée Rilakkuma s'en vient sur Netflix. La société de production Tio vient d'annoncer que son propre studio Dwarf ainsi que SanX et Netflix vont coproduire une série de 13 épisodes de 11 minutes consacrée au personnage de fiction Rilakkuma. Celle-ci sera naturellement diffusée sur Netflix dans 190 pays. Intitulée Rilakkuma Series, le show aura la particularité d'être produit en stop-motion malgré une exploitation sur plusieurs médias depuis son lancement en 2003. Soit en livre, en bande dessinée ou en jeu vidéo, c'est la première fois que l'ourson aura une adaptation en série animée. Le personnage fêtera d'ailleurs son 15e anniversaire l'an prochain. Les informations concernant l'équipe créative et la date précise de diffusion seront annoncées prochainement. Rilakkuma Series nous invitera dans le monde de Rilakkuma, un ourson paresseux et relax en toutes circonstances. Rilakkuma est un ours en peluche marron, simple, à la bouche en triangle et aux yeux ronds, un peu comme Hello Kitty. Sa nature d'ours en peluche est soulignée par la fermeture éclair qu'il porte dans le dos, révélant souvent son rembourrage blanc à pois bleu. Il semble même pouvoir enlever lui-même son enveloppe de peluche, qu'on appelle un kigurumi en japonais, et en changer à volonté. C'est un personnage mignon, comme on l'appelle kawaii. Ouais. Alors, on dépeint généralement la vie quotidienne de Rilakkuma. De temps en temps, il part pour des petits voyages. Les destinations sont souvent des endroits où les Japonais aiment ou rêvent aller. Les bains thermiques? Hawaï, Paris et même l'espace. Rilakkuma est toujours accompagné de Kori Lakuma, une sorte de version de lui mais en plus petit, et par son ami le poussin Kiroitori. Initialement, il épelle parfois son nom Relaxuma en alphabet latin au lieu de Rilakkuma pour qu'on comprenne son nom. Maintenant, ce dernier est officiellement utilisé et enregistré comme la marque déposée, donc Relaxuma ou Rilakkuma, dépendant de l'endroit. Ensuite, une deuxième série allemande pour Netflix, Dogs of Berlin. Netflix, leader mondial de la télé en streaming, continue à investir dans des contenus européens et allemands avec Dogs of Berlin. Cette série en 10 épisodes, deuxième programme original allemand après Dark, sera diffusée en 2018 exclusivement sur Netflix dans le monde entier. Donc Dogs of Berlin, c'est l'histoire de deux inspecteurs de police berlinois devenus partenaires alors que tout les oppose. Opérant sur le terrain de la pègre berlinoise et confrontés à leurs propres activités criminelles, ils doivent composer avec leurs faiblesses et finiront par être obligés de choisir de quel côté de la justice ils se rendent. Christian Alvart est le showrunner de cette série dramatique policière avant-gardiste qu'il réalisera d'après son propre scénario, posant le regard aiguisé d'un véritable auteur sur ce monde. Christian Albert, qu'on connaît pour Antibodies, Le Cas 39 et Pandorum, est un cinéaste primé qui travaille en Allemagne et à Hollywood. Voilà. Ensuite, on reste sur Internet avec... non, on va sur Internet. On n'était pas sur Internet du tout, hein? Est-ce qu'on était? Oui, on était, voyons. Suis un peu, voyons. Facebook produit... On passe de Netflix à Facebook. C'est juste pour ça, c'est une transition de sujet. Facebook produit ses propres émissions, séries et jeux télévisés. Selon l'agence France Presse, Facebook a commencé à produire plusieurs émissions, séries et jeux télévisés pour diffusion sur le réseau social, a-t-on indiqué, confirmant une information du Wall Street Journal, une tendance de fond pour plusieurs géants d'Internet. La plateforme, auprès de 2 milliards d'utilisateurs mensuels, travaille à ce projet avec un petit groupe de partenaires et créateurs, a indiqué le vice-président des partenariats médias de Facebook dans une déclaration. Ces partenaires expérimentent des programmes sur lesquels vous pouvez bâtir une communauté, du sport à la comédie en passant par la télé-réalité et le jeu télévisé. En l'état, la conception de ces programmes est financée directement par Facebook, mais au fil du temps, ils veulent aider beaucoup de créateurs à faire des vidéos financées par un système de partage des revenus comme Adbreak. Interrogé sur l'identité de ces partenaires, Facebook n'a pas donné suite. Selon le Wall Street Journal, des émissaires du réseau social rencontreraient actuellement des dirigeants de studios d'Hollywood et d'agences de représentation d'acteurs et de créatifs de la télévision et du cinéma. Toujours selon le quotidien économique, Facebook serait prêt à mettre sur la table jusqu'à 3 millions de dollars par épisode produit, soit le budget d'un programme haut de gamme pour la télévision câblée aux États-Unis. Le géant californien prévoit ainsi mettre en ligne les premiers programmes à la fin de l'été. Le développement du contenu propre est une tendance de fond chez les grands acteurs d'Internet qui se sont longtemps contentés d'ouvrir leur plateforme à des programmes produits par d'autres. Netflix, Amazon ainsi que la plateforme de télévision en ligne Hulu, sociétés communes de Disney comme Comcast, 21st Century Fox et Time Warner se sont résolument engagés dans cette voie, suivie plus récemment par YouTube et par Apple à une échelle beaucoup plus modeste. Toujours en streaming, si la qualité, oui, est mauvaise, l'utilisateur déprime. On a tous connu, que ce soit sur YouTube, une vidéo en direct et les services de vidéo sur demande, le moment où la vidéo s'arrête car elle continue de charger. Si vous trouvez que c'est insupportable, ne vous inquiétez pas, nous dit Clubic.com. Une recherche menée par Akamai prouve que vous êtes loin d'être seul et si en plus la qualité de la vidéo est mauvaise, là c'est l'horreur. Akamai, avec l'aide d'une nouvelle technologie analysant la réponse sensorielle développée par Sensum, a étudié l'impact d'une mauvaise qualité de streaming sur l'utilisateur par rapport à une bonne qualité. Le fin fond de l'étude, oui, a prouvé une vérité qui ne nécessitait pas nécessairement une recherche sur 1200 personnes, c'est qu'une qualité de streaming bonne, voire excellente, est plus appréciée par un utilisateur qu'une qualité de streaming médiocre. Ce qu'on ne savait pas encore toutefois, c'est que c'est ce qui se passe dans la tête de l'utilisateur qui doit subir une mauvaise diffusion et avec des coupures. Pour comparer la différence induite par la qualité de la vidéo, un groupe a regardé une vidéo en Ultra HD 2160 pixels sans coupure, tandis que la deuxième a regardé une vidéo en HD 1080 pixels, 1080p, comme on appelle communément, avec une coupure dans une scène clé. Les premiers ont été 10,4% plus intéressés que les seconds et même 19,8% plus intéressés lorsque les scènes se faisaient plus intenses. La preuve que le spectateur s'identifie plus facilement lorsque la qualité de la vidéo est meilleure. Bien évidemment. Un autre test mené par Akamai s'est concentré sur l'effet d'une coupure lors d'une scène intense. Chez le groupe ayant visionné la vidéo avec la coupure, donc ce qu'on appelle du buffering, l'étonnement a grimpé de 27%, le dégoût de 9% et la tristesse de 7%. De même, le bonheur a chuté de 14% et la concentration de 10%. Les participants ont ensuite répondu à un questionnaire et Akamai a découvert que 76% des utilisateurs arrêteraient d'utiliser le service si ces coupures survenaient à de nombreuses reprises, et ce, quel que soit le service, son offre ou sa notoriété. Allons-y avec... je vais parler de piratage sur le site Torrent 411, T411 qu'on appelle. Les administrateurs présumés ont été arrêtés. Le site a été fermé. Une opération de police franco-suédoise a conduit à l'arrestation des deux administrateurs présumés du site francophone Torrent 411. Les serveurs auraient été perquisitionnés et la... c'est ça. Donc, clap de fin pour Torrent 411, un tracker BitTorrent parmi les plus populaires en France. Depuis la semaine passée, c'était dimanche, le service était inaccessible. Le parquet de Stockholm vient maintenant d'annoncer l'arrestation des administrateurs présumés en Suède lors d'une opération de police franco-suédoise. Des policiers suédois accompagnés de gendarmes français ont perquisitionné dans la matinée un logement à Udeng, dans la périphérie sud de la capitale, et arrêté ses deux occupants, a indiqué à l'agence France Presse le procureur Henrik Rasmussen. Selon le quotidien Dagens Nyheter, il s'agirait d'un couple de ressortissants ukrainiens en situation régulière autour de la trentaine d'années. La perquisition d'une société d'hébergement informatique suédoise a également permis de mettre la main sur des serveurs à partir desquels était administré le site Torrent 411. Le fait que le site soit inaccessible depuis dimanche est peut-être en lien avec l'opération de police avance des sites spécialisés, ce qui a été confirmé plus tard. Torrent 411 était dans le collimateur de la justice depuis plusieurs années. En avril 2015, le TGI de Paris avait ordonné le blocage de ce site de piratage, ce qui n'a pas empêché le site de continuer ses opérations. En l'espace de 2 ans, il a changé 6 fois son extension de nom de domaine de t41.me à .al en passant par .io, I-N-C-H-L-I et A-I. Au dernier comptage, Torrent 81 a référencé 730 000 torrents dans 8 domaines, films, audio, e-book, porno, jeux vidéo, applications et émulation. Selon Alexa, Torrent 81 était le 65e site le plus visité en France en juin 2017. En 2013, il avait dépassé la barre des 5 millions d'abonnés, le positionnant comme le premier tracker en France. Ah, les gens pleurent de ça. Évidemment, c'était un de mes sites préférés pour les trucs en français qui sont pas disponibles ailleurs. Si on voulait, si on pouvait payer, on paierait pour ces affaires-là, mais ils sont pas disponibles. Fait qu'on voit des fois sur Torrent 41. Que voulez-vous? C'est comme ça. La poursuite d'utilisateurs n'est pas exclue en passant. Un peu plus d'informations sortent concernant l'affaire ayant abouti à la fermeture de Torrent 41. Le secrétaire général de la SACEM en France n'exclut pas la poursuite en justice d'utilisateurs de Torrent 41. Voilà pour Television Television, il nous reste encore un petit peu plus d'une demi-heure et à peine assez de temps pour faire du Merci Science et du CNX, mais avant ça, on s'en va entendre du chiptune. Voici Youmin, ou Oumin, c'est comme un jeu de mots avec Youmin. Voici Ino, tout de suite au Mathieu Plante Show sur C'est Fou 89 FM. We'll be right back. Toujours très productif, Amateur Alice DJ, qu'on écoute tellement souvent l'émission, on dirait que c'est deux pièces par semaine. L'extrait s'appelle Trance, et avant la pause, on a entendu A Human sur les ondes du Mathieu Plante Show 89 FM. Maintenant, c'est le segment Merci Science. Merci Science, la chronique qui remercie la science d'exister. Et on commence avec IBM qui veut améliorer les prévisions météo. Une chose qui me tient particulièrement à cœur avec le baseball, les Aigles dont je fais la mise en onde tous les soirs, et que le délai de pluie d'hier a fait que le match a terminé à 00:40. Donc j'aimerais bien que IBM réussisse à s'en sortir un petit peu. Donc via sa filiale The Weather Company, IBM va développer un nouveau modèle météo à l'échelle mondiale qui aidera à affiner les prévisions locales et couvrir des zones jusqu'ici délaissées par les outils existants. IBM s'intéresse de près à la science météorologique qui l'entend bien révolutionner. L'année dernière, le géant américain a fait l'acquisition de The Weather Company, la plus importante entreprise privée sur le marché des prévisions météorologiques. Elle possède notamment le site weather.com et dit fournir jusqu'à 26 milliards de prévisions quotidiennes à travers le monde. Fort de la puissance de cet outil, IBM a décidé de renouveler en profondeur les modèles existants qui s'appuient sur des prévisions à l'échelle régionale pour anticiper la météo au niveau local en créant le premier modèle qui couvrira la totalité de la planète. Selon IBM, ce sera le premier du genre à couvrir la totalité de la planète. Il apportera des prévisions météorologiques à des zones jusqu'ici non couvertes par les modèles régionaux. Les modèles météo globaux actuels sont capables de fournir des prédictions à l'échelle régionale pour des intempéries de grande ampleur, comme des tempêtes de neige ou des ouragans. La technologie que vont développer The Weather Company et ses partenaires sera en mesure de prendre en compte en temps réel des phénomènes d'envergure moindre, mais souvent plus soudains, notamment les orages, qui peuvent avoir des conséquences importantes localement. Pour ce faire, The Weather Company a passé un partenariat avec la University Corporation for for Atmospheric Research, la UCAR, et le Centre de recherche National Center for Atmospheric Research, le NCAR. Ensemble, ils vont optimiser de concert les ordinateurs et les logiciels qui serviront à créer ce nouveau modèle météo. La partie matérielle sera fournie par IBM sous la forme de nouveaux supercalculateurs Power 9. À terme, l'objectif sera également d'améliorer la précision des prévisions sur des jours, des semaines et des mois d'avance. On ne peut qu'espérer leur succès. Ensuite, pourquoi il ne faut pas uriner dans la piscine? Non seulement c'est dégueulasse, mais en plus c'est dangereux. Uriner dans la piscine aboutit à la formation d'au moins deux composés toxiques pour la santé. Voilà pourquoi il faut suivre les consignes placardées partout. Qui n'a jamais eu envie de se laisser aller faire ses petits besoins dans la piscine? Cette pratique, finalement assez banale, n'est pas aussi anodine qu'on le pense, car au moins l'un des composants de l'urine engendre la formation de deux molécules toxiques, la trichloramine et le chlorure de cyanogène, d'après une étude parue dans Environmental Science and Technology. L'ex-nageur américain Michael Phelps, avec ses deux médailles aux Jeux olympiques, dont 18 en or et ses 27 titres de champion du monde, est à n'en pas douter l'un des plus grands champions de l'histoire du sport, mais tout juste après l'annonce de sa retraite sportive, il a fait une révélation détonnante à la radio en affirmant que lui et probablement tous ses petits camarades faisaient pipi dans la piscine, une mauvaise habitude généralisée. Le jeune homme retraité se défend en précisant que le chlore ajouté à l'eau sert justement à éviter la prolifération des microbes et donc que ce geste est anodin. Est-ce vrai? Certes, ces désinfectants sont le plus souvent versés pour éviter que les personnes ne se transmettent des maladies. Certains pourraient même être cancérigènes, d'après une étude menée en 2010 sur des cellules humaines en culture. Mais le chlore contenu dans la plupart d'entre eux réagirait avec certains composés de nos liquides corporels. La preuve vient d'être rapportée par une collaboration entre Jing Li de l'Université agricole de Chine et de Ernest Blatchley, 3e du nom, de l'Université Purdue. L'équipe de scientifiques a mélangé du chlore avec de l'acide urique retrouvé dans la sueur et dans l'urine de chacun d'entre nous. Une heure plus tard, s'étaient formés deux composés connus pour leur toxicité, la trichloramine et le chlorure de cyanogène, donc le NCI3 et le CNCI. Ce premier est associé à des troubles pulmonaires aigus après des expositions à des désinfectants chlorés. Quant au second, il est connu pour affecter différents organes après l'inhalation, comme les poumons, le cœur ou le système nerveux central, donc rien de bien réjouissant. D'après les estimations des chercheurs, plus de 90% de l'acide urique retrouvé dans les piscines sort de la vessie et non des glandes sudoripares. La conclusion est simple, les auteurs appellent chacun à se retenir ou à aller dans le lieu adapté pour ce genre de besoin, c'est-à-dire les toilettes. L'acide urique ne peut expliquer à lui seul les concentrations de trichloramine ou de chlorure de cyanogène. D'autres composés contribuent également à la formation de ces deux molécules, si bien que le meilleur moyen pour éviter d'inhaler ces composés consiste à s'éloigner au maximum des zones les plus à risque, souvent celles situées à proximité des enfants. Cependant, il ne faut pas penser que les adultes sont irréprochables. Un sondage publié en 2012 révèle qu'un Américain sur 5 a déjà fait pipi dans l'eau et ce ne sont pas tous des nageurs de haut niveau comme Michael Phelps. Ensuite, on parle de perte musculaire, un espoir de guérison grâce à une hormone de l'intestin. On passe de la vessie à l'intestin, ça va bien. Les chercheurs ont découvert que le facteur FGF19 augmente la masse musculaire chez les souris. Il apparaît comme une solution thérapeutique chez l'homme contre ce type de perte lors du vieillissement dans des maladies chroniques comme l'obésité, le cancer, l'insuffisance rénale ou des situations d'immobilisation. Le facteur de croissance des fibroblastes 19, le FGF19, une entéroquine, une hormone sécrétée par l'intestin, connue pour agir sur le métabolisme des acides biliaires, dans le foie, est aussi capable de cibler d'autres tissus et d'exercer un rôle de régulateur du glucose et de l'homéostasie des lipides. En étudiant l'intérêt thérapeutique potentiel du FGF19 dans les maladies métaboliques telles que le diabète de type 2 et l'obésité, les chercheurs du laboratoire Carmen, recherche en cardiovasculaire, métabolisme, diabétologie et nutrition, à l'Inserm INRA, Université Claude-Bernard Lyon 1, INSAL Lyon, dirigé par Hubert Vidal en collaboration avec l'équipe du docteur Jérôme Ruzin du département de biologie de l'Université de Bergen en Norvège, ont montré que les souris traitées avec du FGF19 durant 7 jours prennent moins de poids et de tissu adipeux alors qu'elles mangent davantage que des souris non traitées. Dans ces conditions, les chercheurs ont démontré que la masse des muscles squelettiques et la force musculaire des animaux traités sont augmentées, identifiant ainsi pour la première fois une nouvelle fonction du FGF19. À une échelle moléculaire, les chercheurs ont identifié la voie de signalisation qui entraîne les effets hypertrophiques du FGF19 dans le muscle et démontrent que cet effet est la conséquence d'une augmentation de la taille des fibres, indépendamment du type de fibre musculaire. Les chercheurs ont ensuite démontré le potentiel thérapeutique du FGF19 en utilisant différents modèles murins présentant une diminution de la masse musculaire, incluant des animaux traités avec un glucocorticostéroïde, un modèle de souris génétiquement obèse et des souris âgées. Dans chacun de ces modèles, ils ont mis en évidence la capacité de traitement par le FGF-19 à préserver ou à augmenter la masse et la force musculaire. Je cite, ceci montre pour la première fois l'intérêt du FGF-19 pour lutter contre la fonte musculaire, mais potentiellement aussi en agronomie pour augmenter la masse musculaire des animaux d'élevage. Conclut donc Hubert Vidal et ses collaborateurs qui envisagent la mise en place d'études cliniques pour valider ces observations chez l'homme. Des résultats qui ont été publiés le 26 juin dans Nature Medicine. On continue avec une pilule contraceptive sans hormones et à base de plantes très prometteuse. La pilule contraceptive a eu un impact considérable sur la vie des femmes et des hommes par voie de conséquence. Malheureusement, aussi efficace soit-elle, elle n'est pas sans effet indésirable. Ceci à cause des hormones de synthèse dont elle est remplie. Aujourd'hui, une alternative à base de plantes s'avère très prometteuse. Des chercheurs de l'Université de Berkeley aux États-Unis ont conçu une pilule sans hormones de synthèse, mais avec deux principes actifs végétaux, la pristimérine qu'on trouve dans une certaine variété de vignes chinoises et le lupéole présent dans les mangues, les olives, l'aloe vera et le pissenlit. Combinés l'un à l'autre, ceux-ci permettent de désactiver le sperme. Cette alternative aux hormones de synthèse est donc totalement naturelle, c'est un plus non négligeable et permettrait aussi d'éviter les effets indésirables de la pilule classique que sont la diminution de la libido, la prise du poids et les risques d'AVC notamment. Encore, l'efficacité serait au rendez-vous puisqu'elle serait 10 fois supérieure à celle de traitement hormonal, nous dit ubergizmo.com. Et on termine avec les femmes. Est-ce qu'elles sont moins bien soignées que les hommes avec leurs médicaments? Ça revient aux souris dont on parlait tantôt. Avant qu'un médecin, n'arrive sur le marché, il subit des tests précliniques sur des animaux de laboratoire. Problème, c'est que la grande majorité de ces études utilisent des animaux mâles, sélectionnant ainsi les médicaments les plus efficaces pour eux, mais pas forcément pour les femelles. Avant d'être testés donc lors d'essais cliniques sur des humains, les médicaments passent des tests sur des animaux durant la phase préclinique. Or, les chercheurs préfèrent souvent travailler sur des animaux mâles et considèrent que les cycles hormonaux féminins peuvent affecter les résultats et partent du présupposé que ce qui fonctionne chez les mâles est aussi efficace chez les femelles. Résultat, les trois quarts des études précliniques n'utilisent que des animaux mâles. Ainsi, dans une étude parue dans Surgery en 2014, des chercheurs de l'Université Northwestern à Chicago, aux États-Unis, ont analysé 2347 articles scientifiques parus entre 2011 et 2012. 618 portaient sur des animaux ou des cellules. Pour les publications qui indiquaient le sexe des animaux, 80% n'incluaient que des mâles. La question qu'on peut donc se poser est de savoir si la recherche médicale qui étudie surtout des mâles empêche les femmes d'accéder aux meilleurs soins. Pour savoir s'il y avait beaucoup de différence entre des souris mâles ou femelles, les chercheurs du centre Sanger, à Cambridge au Royaume-Uni ont comparé 234 traits physiques chez 14 000 souris mâles et femelles. Pour 57% des traits qui pouvaient être quantifiés comme le taux de cholestérol ou la masse osseuse, il existait des différences entre les sexes. Ils ont aussi étudié 40 000 autres souris chez lesquelles un gène avait été inactivé. Ils ont observé que l'inactivation du gène n'avait pas les mêmes effets selon le sexe, ce qui suggère que les maladies génétiques se manifestent différemment chez les mâles et les femelles. Ces résultats sont parus dans la revue Nature Communications et suggèrent que, étant donné les nombreuses différences physiologiques entre les sexes, il faudrait donc concevoir des traitements différents pour les hommes et les femmes. En effet, les médicaments optimisés pour les animaux mâles risquent d'être moins efficaces sur les animaux femelles et donc sur les femmes, voire pourraient leur causer des problèmes. Il semble que ce soit bel et bien le cas. Entre 1997 et 2001, environ 80% des médicaments retirés du marché des États-Unis posaient plus de problèmes aux femmes qu'aux hommes, d'après un document du Sénat américain. Ces différences entre les sexes signifient aussi que les médicaments qui fonctionneraient mieux chez les femelles souris et a priori chez les femmes pourraient passer à la trappe et ne jamais arriver au stade des essais cliniques sur les humains. Tout ça parce qu'ils n'ont été testés que sur les animaux mâles. Certes, des efforts ont été constatés ces dernières années. Ainsi, la proportion de femmes incluses dans des essais cliniques concernant la prévention des maladies cardiovasculaires est passée de 9% en 1970 à 41% en 2006. D'après une étude de 2010, mais des progrès doivent encore être faits en phase préclinique. Voilà pour Merci Science. Il va nous rester juste assez de temps pour faire un petit blog de CNX dans quelques instants. Avant ça, une autre pièce de Amateur LSDJ. Voici Life, MPS le Mathieu Plante Show sur C'est Fou 89.1 FM. Oui, oui. fait tellement les pièces redondantes, mais je trouve qu'il le fait bien. Voilà. Live par Amateur LSDJ. Maintenant, c'est le segment Geek Cynics. Cynics, c'est le segment des choses qui parlent de... On va refaire ça dans l'ordre. C'est le segment où on parle de choses qui sont cool, nouvelles et extrêmement intéressantes. Voilà. On commence avec la nouvelle que j'ai mentionnée en intro. C'est pas une blague du tout. C'est le premier magazine français dédié au hand spinner qui débarque. Oui, le hand spinner est arrivé. Il a fait une tornade un petit peu partout. Ça fait quelques mois de ça à peine. Un petit jouet inventé il y a 20 ans quand même. Je ne savais pas ça. Par Catherine Hettinger qui s'adressait aux enfants et aux adultes hyperactifs ou autistes ayant des troubles de l'attention et de la concentration. Bon, donc un concept qui est de plus en plus populaire, un véritable gadget pédagogique servant normalement à canaliser l'énergie et à stimuler l'attention des enfants en classe. Le hand spinner, des fois appelé le fidget spinner, est aujourd'hui un phénomène dans les cours de récréation du monde entier et intéresse certains adultes. Le groupe Tournant a senti le bon filon en France. Habitué des publications de magazines pour enfants, c'est eux qui font les magazines Playmobil et Lego, entre autres. La société va donc lancer le Hand Spinner Mag pour 5€. Il va y avoir des rubriques très attendues, comme l'origine des spinners ou bien les différents types de spinners. Bien évidemment, ça suffit pas pour faire un magazine complet. C'est pourquoi il devrait aussi traiter de l'actualité des dessins animés, jeux vidéo et jouets. Dans le premier numéro, on va avoir en fait en cadeau un Hand Spinner qui, j'imagine, va être super cheap. Tout ça en France, le prix du magazine devrait être de 10€ par numéro. C'est quand même super cher. On va voir si c'est importé au Québec un jour, probablement dans les magasins spécialisés en magazines, les tabagies et autres. Je dirais probablement, en fait. Ensuite, la Troisième Guerre mondiale va être déclenchée par l'intelligence artificielle. On nous dit, spoiler alert, que oui, mais qu'on va gagner. Vous avez peur peut-être de l'intelligence artificielle, peut-être que vous pensez qu'un robot va vous voler votre travail. Les spécialistes estiment que les robots seront en mesure de faire n'importe quelle tâche avant le 22e siècle. Mais grâce à Jack Ma, le fondateur et PDG d'Alibaba, l'Amazon chinois, vous avez désormais une autre raison de vous inquiéter, la Troisième Guerre mondiale. Récemment, dans un entretien accordé à la chaîne financière CNBC, Jack Ma a donné probablement la pire prévision qui soit concernant l'avènement de l'intelligence artificielle. Dans son entretien, Jack Ma fait un parallèle qui a de quoi inquiéter entre la situation actuelle, oui, le développement de l'intelligence artificielle et les deux guerres mondiales. Je cite, « La première révolution industrielle a causé la Première Guerre mondiale. La deuxième révolution industrielle a causé la Deuxième Guerre mondiale. Nous en sommes à la troisième révolution industrielle. Le sous-entendu est clair, cette nouvelle révolution industrielle pourrait être à l'origine d'une nouvelle grande guerre dont l'intelligence artificielle sera un élément clé. Bien que ce soit là une analyse très succincte des causes ayant provoqué les deux conflits mondiaux du 20e siècle, la prophétie de Jack Ma a de quoi faire réfléchir. » Ensuite, meilleure nouvelle ici, des maisons antisismiques en polystyrène au Japon. Pas des maisons antisémites, non, antisismiques en polystyrène. Japan Dome House vend des petites maisons en polystyrène depuis 15 ans maintenant. Polystyrène qui sont, dans le fond, c'est du styromousse. Les arguments, une construction hyper rapide, bon marché et une bonne isolation offerte par la matière, en plus de ses étonnantes qualités antisismiques, pas inutiles quand on pense construction au Japon. En avril 2016, deux tremblements de terre consécutifs allant jusqu'à la magnitude de 7 avaient frappé durement la province de Kumamoto au sud-ouest de l'île de Kyushu. Un bilan très lourd en termes humains, mais aussi au niveau des infrastructures, dont beaucoup se sont effondrées. Avec 44 000 personnes évacuées, il fallait trouver à reloger tout le monde et c'est là que le Japan Dome House intervient. En effet, un complexe de 480 maisons dômes avait été construit sur cette même île et il est resté intact, de quoi convaincre les récalcitrants à des maisons en polystyrène de leur efficacité. Que ce soit pour des situations d'urgence comme celle-là ou bien un choix de vie durable dans le temps, ces petites maisons ont donc fait leur preuve. Pesant seulement 80 kg et coûtant entre 57 000 et 65 000 euros, la Japan Dome House intéresse de plus en plus de gens et l'entreprise a vendu plus d'une centaine de maisons en seulement un an, ce qui, proportionnellement à la population du Japon, est peu, mais qui démontre tout de même un réel intérêt pour ces petites maisons. 57 000 euros en dollars canadiens, ça nous donne... Combien? Je veux savoir ça. 86 000. Voilà. Ensuite, General Electric construit une imprimante 3D géante pour fabriquer des pièces de turboréacteurs. L'impression 3D a fait un bond géant en quelques années et est aujourd'hui possible d'acheter une imprimante 3D pour quelques centaines de dollars. À plus grande échelle, la NASA l'utilise par exemple pour certaines pièces de fusées. General Electric, de son côté, a construit une géante pour fabriquer des pièces de turboréacteurs. GE Aviation utilise déjà l'impression 3D pour certaines pièces vendues à leurs clients. Aujourd'hui, General Electric intègre un nouvel élément précisément dans sa grande famille, le GE Additive. Selon la compagnie, il s'agit de la plus grande imprimante 3D laser. Celle-ci serait capable d'imprimer des pièces mesurant jusqu'à 1 mètre cube. GE Additive déclare que cette imprimante serait utilisée pour des pièces de l'avionique permettant notamment une fabrication segmentée des moteurs à réaction. L'imprimante concevra les différentes pièces en fusionnant de fines couches de métal en poudre grâce à un faisceau laser et ça pourrait grandement simplifier le procédé de fabrication d'un moteur à réaction et en faire diminuer drastiquement les coûts. Facebook veut protéger les utilisatrices indiennes du harcèlement. Facebook a présenté de nouvelles mesures de sécurité pour les utilisatrices indiennes du réseau social qui visent à protéger les femmes du harcèlement. Des études du géant de l'Internet ont montré que nombre d'Indiennes, oui, étaient réticentes à l'idée de mettre un cliché, une photo d'elles-mêmes en photo de profil, de peur que cette image soit utilisée à mauvais escient. En réponse, Facebook a développé en collaboration avec des ONG des outils pour donner aux femmes un meilleur contrôle de leur profil et les aider à rester en sécurité en ligne. Et justement, ça a été repris par d'autres médias qui disaient que tout le monde allait avoir sa photo protégée sur Facebook. On parle en Inde en ce moment. Le premier garde-fou, reconnaissable à un petit bouclier et une bordure bleue autour de l'image, empêche les internautes étrangers au cercle d'amis de l'utilisateur de télécharger, partager ou identifier des personnes sur la photo. Dans certains systèmes comme Android, il sera même impossible d'en faire une capture d'écran. C'est ce que j'ai vu dans les autres médias, ne mentionnant pas que c'était en Inde. Le deuxième instrument permet d'appliquer un filtre au motif indien sur la photo de profil. Selon les recherches du site de Mark Zuckerberg, cela dissuaderait les utilisateurs du réseau social de copier l'image. Ces options seront d'abord déployées uniquement en Inde, mais pourraient, par la suite, aller ailleurs. Mais peut-être pas. Hein? Facebook a 184 millions d'utilisateurs en Inde. C'est le deuxième marché après les États-Unis. Justement, dans le même domaine, beaucoup d'adolescents partagent tout ou presque sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et autres. Il n'est pas rare qu'ils publient des photos de fêtes arrosées ou autres photos compromettantes, n'ayant pas bien conscience des limites nécessaires, oui, car une fois à l'âge adulte, ce genre de publication risque de coûter cher, surtout si elles sont retrouvées et relayées. La reine Elizabeth II a dévoilé un projet qui pourrait intéresser tous les Britanniques qui regrettent ce qu'ils ont posté il y a plusieurs années, à 15-16 ans peut-être, un droit à la suppression totale et définitive. C'est lors de son discours devant le Parlement le 21 juin dernier que la reine Elizabeth II a abordé la question des droits sur Internet et de la protection des jeunes, un discours qui s'inscrit dans le début des discussions pour le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et des changements de réglementation qui sera alors possible d'engager. Le Royaume-Uni ne sera plus obligé de suivre la réglementation européenne. Outre les questions politiques et économiques, la question de la protection des données personnelles va être centrale. Actuellement, le Royaume-Uni suit la réglementation décrite dans le Data Protection Act qui, selon plusieurs experts, est assez obsolète. Le gouvernement britannique pourrait donc opter pour de nouvelles lois sur la question. Et on va terminer avec les filles scouts qui pourront bientôt gagner leur badge de cybersécurité. Les scouts ont aujourd'hui un certain nombre de badges qu'il leur est possible de gagner en accomplissant certaines missions. Aux États-Unis, les filles scouts en auront bientôt de nouveau et cette fois dans un domaine bien plus urbain et moderne. On parle de la cybersécurité. Les Girl Scouts of America avaient interrogé de nombreuses filles scouts et dans ces évaluations, il ressortait très souvent qu'elles voulaient davantage d'informatique et qu'elles étaient très intéressées par la sécurité, notamment pour se protéger en ligne. Le harcèlement est un gros problème. Les filles avaient aussi un intérêt certain pour les hackathons grâce à un rapprochement entre les Girl Scouts of America et la société spécialisée Palo Alto Networks. Depuis 2 ans, pour moins de 18 nouveaux badges sont en préparation. Il y en aura pour tous les niveaux, pour les jeunes filles de 5 ans jusqu'à celles de plus de 18 ans. Ces badges reflèteront un certain niveau de connaissance dans la sécurité en ligne, oui, en les encourageant même notamment à étudier pour des métiers dans cette industrie où les femmes sont sous-représentées. Avec plus de 2 millions de filles chez les Girl Scouts of America, ces badges de sécurité disponibles à partir de l'automne 2018 seront une opportunité d'initier les jeunes femmes à ce domaine aujourd'hui capital et à aiguiser leur intérêt pour les nouvelles technologies. Voilà, c'est tout pour le segment Geek CNX et c'est tout pour le Mathieu Plante Show de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mercredis de 15h à 17h. En rappel, les jeudis à midi, les mardis à 10h et une dernière, pourquoi pas, les samedis à 9h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis tout l'été, les jeudis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur site.ca. Retrouvez les notes de l'émission et les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. On se quitte avec une pièce qui vient du jeu Night in the Woods. C'est par DM Dokuro qui a produit une version drum and bass du thème de ce jeu. Ça s'appelle Die Anywhere Else. Restez là pour Audiomatique pour les gens du mercredi. De la part de Frédéric Simon et de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'est le Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye! anywhere, just not here, no.